Excellent début de soirée les Gournaisiennes et Gournaisiens. 18h, tout de suite un nouveau point d'actualité nationale et internationale. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est entendu par la commission des lois du Sénat cet après-midi à propos des heurts survenus en marge des manifestations des Gilets jaunes. J'invite les Gilets jaunes raisonnables à se désolidariser des extrêmes et à ne pas se rassembler à Paris samedi prochain, a plaidé le ministre face aux sénateurs. Il dit souhaiter lancer un appel au calme à l'adresse des Gilets jaunes. Par ailleurs, le ministre a précisé que des forces supplémentaires seraient mobilisées samedi. Et des annonces ont été faites ce midi par le Premier ministre pour tenter d'apaiser la situation. Édouard Philippe a indiqué que le gouvernement allait prendre plusieurs mesures en faveur du pouvoir d'achat des Français. La hausse des taxes sur le carburant prévue le 1er janvier est suspendue pendant 6 mois. Le Premier ministre a également annoncé le report de 6 mois du renforcement des conditions pour le contrôle technique des automobiles. Enfin, ni les tarifs de l'électricité ni ceux du gaz n'augmenteront comme c'était prévu durant la concertation et donc durant l'hiver qui s'annonce. Après une mobilisation qui a bloqué plus d'une centaine d'établissements hier, des lycéens ont décidé de poursuivre leur action aujourd'hui. Selon les chiffres de l'éducation nationale, plusieurs dizaines d'établissements ont été perturbés. Des incidents ont éclaté dans plusieurs lycées de l'Hexagone. Par ailleurs, deux sites d'universités parisiennes ont été gagnés par des blocages ou des menaces de blocage de la part d'étudiants opposés à l'augmentation des frais d'inscription à la fac pour les jeunes venus de pays extérieurs à l'Union européenne. Le procès en appel de Francis Holm, condamné en première instance à perpétuité pour les meurtres de deux enfants en 1986 à Montigny-lès-Metz en Moselle, a débuté ce matin à Versailles dans les Yvelines par une demande d'acquittement de sa défense dénonçant un procès inéquitable. Celui qui purge déjà des condamnations pour 9 meurtres doit être jugé pendant 3 semaines pour un double crime qu'il a toujours nié au cours du 6e procès de cette tortueuse affaire judiciaire. Enfin, le dernier double album de Diamant de Johnny Hallyday, Mon pays, c'est l'amour, et le texte original de la chanson Allumer le feu, écrit par Zazie, sont mis aux enchères jusqu'au 9 décembre au profit du Téléthon. À l'initiative de Pascal Obispo, le parrain de l'édition 2018, plusieurs dizaines d'objets personnels ont été offerts au Téléthon par des célébrités pour cette vente de charité. Sur la plus normande des radios, Ludo, 17h-19h. Et dans les prochaines minutes, Silk City, Electricity et maintenant David Guetta avec un Say My Name. L'After School d'Espace. You've been dressing up the truth, I've been dressing up for you. Then you leave me in this room. Pour a glass and bite my tongue, you say I'm the only one. If it's true, then why you running, you running? Ooh, oh. If you're really being honest, if you really want this, ooh, oh. Why you acting like a stranger, what's with your behavior? Cuando solo dónde no, no. Te dejas.

partie de l'équipe d'Espace en direct d'Evreux pour l'animation de la célèbre foire Saint-Nicolas en centre-ville d'Evreux toute la journée de jeudi. Avant 18h30, dans la catégorie des classiques dance, nous écouterons ça. Le son Funky Mix. Funky Mix. Et puis, il y aura ça aussi. Funky. Funky Mix. Ooh, oui. She's a bad Bonne soirée, 18h21, tout de suite d'Orion, la sélection Espace. Tout de suite, le retour des sons et des tubes sur Espace. Bonsoir tout le monde, c'est mardi le 4 décembre et on est reparti pour une nouvelle sélection Espace avec ce soir à Rouen des 19h à la cave du 39 rue aux Ours, le Nology, dans un lieu atypique. Ensuite à la même heure au Lavomatic, c'est le Lavomatic Tour, et au Musée des Beaux-Arts vous retrouvez Thomas Saraceno ou l'Éloge de la Nature. On se dirige ensuite à 20h du côté du théâtre à l'Ouest pour une comédie de Titoff et Thaïs, ça s'appelle Amoureux. Du côté du théâtre Charles Dullin de Grand Quevilly, ce sera le 5 de cœur, oh la belle vie, et à la maison de l'université de Mont-Saint-Aignan, Boubacar Traoré. Ensuite, du côté de la patinoire Boissière, le match de hockey sur glace, Rouen-Grenoble, et aux rives gauches de Saint-Étienne-du-Rouvray, dès 20h30, vous retrouvez Cocagne sur scène. N'oubliez pas, sur la place de la cathédrale et dans la rue des Carmes, c'est Rouen givré tous les jours avec la grande roue ou encore la patinoire en plein air. Au Zénith de Rouen ce soir et encore demain soir, Disney sur glace croit en tes rêves, quelques billets sont toujours disponible. Et du côté d'Honfleur, ce sera le Téléthon ce vendredi et ce samedi. Plus d'infos sur le www.ville-honfleur.com. Belle soirée. Espace Radio. Yeah, yeah, yeah. C'est quelqu'un. Y'a quelqu'un qui m'a dit. Et ça ira mieux. La roue va tourner. T'en fais pas petit, ça va s'arranger. Suffit d'attendre encore un peu. Suffit d'y croire, la vie n'est qu'un jeu. Et ça ira mieux, faut te relever. Y'a des hauts, des bas, t'es pas le seul comme ça. Suffit d'attendre encore un peu. Et ça ira mieux. Et ça ira mieux. Et ça ira mieux. N'écoute pas les gens, marche droit devant. Te retourne pas, y'a rien là-bas. L'avenir est à toi, continue comme ça. Encore une dernière fois, vas-y, écoute-moi. Ça ira mieux, si t'es tombé si bas. C'est pour aller plus loin, accroche-toi à tes rêves. Fais confiance au destin, t'inquiète, à deux on ira très loin, loin. Les écoute, papa, papa, papa. Tout ira mieux comme ça. Les écoute, papa, papa, papa. Avance droit, droit, droit. Les écoute, papa, papa, papa. Tout ira mieux comme ça. Les écoute, papa, papa, papa. Avance droit, droit, droit. Et ça ira mieux. Et ça ira mieux. La roue va tourner, t'en fais pas petit, ça va s'arranger. Suffit d'attendre encore un peu. Suffit d'y croire, la vie n'est qu'un jeu. Et ça ira mieux, faut te relever. Y'a des hauts, des bas, t'es pas seul comme ça. Suffit d'attendre encore un peu. Les écoute, papa, papa, papa. Tout ira mieux comme ça. Les écoute, papa, papa, papa. Avance droit, droit, droit. Les écoute, papa, papa, papa. Tout ira mieux comme ça. Les écoute, papa, papa, papa. Avance droit, droit, droit. Et ça ira mieux. Et ça ira mieux. Ouais. Et ça ira mieux. Yeah, yeah. l'instant, c'était quelqu'un dans tout le Vexin normand. C'était ça ira mieux. Bah, j'espère. Et puis rapidement, maintenant que ça aille mieux, parce que globalement, on peut difficilement faire pire. Notamment de ne pas respecter nos morts à l'Arc de Triomphe. Ah ça, j'ai bloqué et je bloquerai tout le temps. 18h25. Maintenant 6 minutes 280 en mode Funky Mix. Ludo on the radio. Espace. Funky Mix. Funky Mix. Look at her, she's a bad mademoiselle. Just as fine as she can be. Hey, she's a bad mademoiselle. Just as fine as she can be. Her body measurements are perfect in every dimension. She's got a figure that's shown of great attention. She's poetry in motion, a beautiful sight to see. I get so excited viewing her anatomy. She's real, she's oh, she's tight. Got all the curves a man like. She's real, she's oh, she's tight. Got all the curves a man like. Look at her, she's a bad mama jamma. Just as fine as she can be. She's a bad mamma jamma. Oh, just as fine as she can be. Looks like she's pulling to the gold she bad. The essence of beauty, ooh, such a lovely hat. She's boxy classy, oh, sexy sassy. She's heavenly, a treat for the eye to see. She's real, oh, she's stacked. Got all the curves of me. She's oh, she's got all the girls a man like. Ooh-wee. She's a bad mamma jamma. Ooh, she's bad. She's the spine she can be. Hey, she's a bad mamma jamma. She's got a figure that's shown up in attention. She's poetry in motion, beautiful sight to see. I get so excited, you know, anatomy. She's real, she's oh, she's stacked. Got all the curves of man like. She's real, she's oh, she's stacked. Got all the curves of man like. Funky Mix. Mix. tout le monde bougeait son corps dans tous les sens, on se tortillait, grave, ça se smurfait, enfin bref, c'était un truc totalement nouveau au début des années 80. Merci d'avoir choisi Espace, bonne soirée. 18h31, tout de suite un point d'info local et régional sur Espace. Espace. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. En réponse au mouvement des Gilets jaunes, le Premier ministre Édouard Philippe a concédé ce midi la suspension pendant 6 mois de 3 mesures fiscales qui devaient entrer en vigueur au 1er janvier prochain. La hausse de la taxe carbone, la convergence de la fiscalité sur le diesel avec celle de l'essence et l'alignement de la fiscalité du gazole non routier sur celle des particuliers. Ce moratoire sur la hausse des taxes sur les carburants, pourtant une des premières revendications des Gilets jaunes, ne semble pas satisfaire Kevin Zevaco, membre des Gilets jaunes à Mokanchi, interviewé par Alexandre Lénaud. C'est bien joli, mais c'est déjà dû absolument pas ce qui a été mis au niveau des revendications du mouvement. Nous, c'est pas un moratoire qu'on veut, c'est une suppression. Et puis, moratoire, c'est quoi? C'est juste pour nous caresser dans le sens du poil, nous en remettre un petit peu, nous donner le petit bout de pain qu'on a demandé, et puis nous en remettre une palanquée derrière. C'est pas suffisant pour vous? Ah bah non, c'est sûr que non. Le Premier ministre a également annoncé un coup de pouce au SMIC, soit 3% de revalorisation indexée sur l'inflation. Par ailleurs, le gouvernement renonce aussi à alourdir des conditions de contrôle technique sur les automobiles qui étaient prévues l'an prochain. L'exécutif suspend également pendant l'hiver la hausse du prix du gaz et de l'électricité pour Agnès Thil, députée de la majorité dans l'Oise. Ces annonces sont tardives mais vont dans le bon sens. On aurait pu peut-être l'entendre un peu plus tôt, mais l'essentiel, c'est que ce soit fait. Et je pense que tout ce qui a été énoncé, le contrôle technique, etc., enfin, toutes les mesures sont plus que très positives pour moi. On va lancer des concertations, je me propose, pour faire partie des concertations dans mon département et ma région. On va trouver des solutions pour que ce ne soient pas les mêmes gens qui en pâtissent. Dire, ah oui, on retire ça, mais ça va être pris sur autre chose. Non, là, il ne faut pas non plus s'amuser à se faire peur. Il faut essayer maintenant de se mettre tous autour de la table pour que ça ne recommence pas, quoi. Le Premier ministre a annoncé l'ouverture du 15 décembre au 1er mars d'un large débat sur les impôts et les dépenses publiques au niveau national et surtout le territoire devant déboucher sur des solutions concrètes. La mobilisation s'est poursuivie aujourd'hui dans l'Eure et en Seine-Maritime avec notamment un nouveau point de filtrage au rond-point des colonnes à Oissel. Des lycéens ont rejoint également le mouvement de contestation des Gilets jaunes à l'appel de l'Union nationale lycéenne. Le lycée Condorcet de Méru au sud de Beauvais a été bloqué ce matin par plusieurs centaines d'élèves. Des lycéens ont également manifesté ce matin à proximité du lycée Palissy de Maromme. Enfin, après une vague d'interpellations durant le week-end dernier, 3 prévenus ont été jugés et condamnés hier à des peines allant de 6 mois de prison avec sursis à 8 mois ferme pour des faits liés aux manifestations survenues près du centre commercial de Barentin et sur le rond-point des Vaches à Saint-Étienne-du-Rouvray. En France, plusieurs dépôts pétroliers sont bloqués par les Gilets jaunes, conséquence des achats de précaution d'automobilistes qui pourraient d'ailleurs mettre à sec certaines stations. À ce jour, il n'existe aucune pénurie dans le département de l'Eure, selon le préfet qui recommande aux automobilistes de conserver leurs habitudes de consommation de carburant. Mobilisation également ce matin des avocats du barreau d'Ormand devant le palais de justice. Ils protestaient contre le projet de réforme de la justice actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. Leur mouvement prend la forme d'une grève totale comprenant le renvoi de toutes les affaires et la cessation de toute forme d'activité. Le mouvement pourrait être reconduit demain. En football, en Ligue de Havre reçoit Châteauroux ce soir et en hockey sur glace à Rouen accueille Grenoble. Et puis Thomas Pesquet donne rendez-vous en terre inconnue ce soir. L'émission de France 2 emmène l'astronaute Diepois en Colombie chez les Cogies. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Pour demain, côté météo, c'est un ciel nuageux et pluvieux avec un thermomètre dans l'après-midi à 11 degrés sur Gournay-en-Bray ou encore Beauvais et les Andelys, 12 degrés à Gisors, Vernon, Évreux, Louviers, Rouen, Bernay et 13 degrés à Pont-Audemer. Bonne soirée à tous. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Température moyenne, une petite dizaine de degrés, alors je vous parle. Indice de l'air, c'est nickel. Avec 4 moments en mode, j'ai 3 partout. On attaque cette nouvelle demi-heure avec Dimitri Vegas, Like Mike.

je sais, je me répète, mais j'adore ce qu'elle fait. À l'instant, Angèle avec un tout oublié, les Normands et les Picards, bonne soirée. Alors là, on va se réécouter car je l'ai passé, je crois, de mémoire la semaine dernière avant 18h. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, et dans la catégorie toujours et encore des sons que vous demandez, sorti en 1997, ça a été un énorme tube. Avant 19h, nous écouterons ça. À quoi Barbie Girl, 18h54, la Procte et David. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le mardi 4 décembre. C'est avec l'organe en berne. Oui, je suis malade, donc je vais mourir. Vous le savez, nous les garçons, dès qu'on éternue ou on tousse, on va forcément mourir, et c'est mon cas aujourd'hui. Hein. Mais je suis là, quand même, fidèle au poste, pour vous parler du programme télé. Ce soir, sur TF1, les Leroy continuent leurs belles aventures dans les chamois avec des inédits. On commence à s'habituer à cette petite famille, à qui il arrive plein d'histoires. 23h10, des rediffs de New York Unité Spéciale. France 2, rendez-vous en terrain connu, c'est Thomas Pesquet qui part chez les Cogis. Hein. Quoi, vous ne connaissez pas les Cogis? Ils sont au nord de la Colombie, c'est une tribu qui autorise très peu de personnes à venir sur leur terre. Et en plus, ce soir marque la fin de l'aventure de rendez-vous en terrain connu avec Frédéric Lopez qui quitte l'émission, mais pas la production, hein, puisque c'est son émission. Et à partir du mois prochain, on va découvrir un nouvel animateur. France 3, les soirées meurtre A toute la soirée avec uniquement des rediffs, meurtre dans les Landes et à Dunkerque, comme ça, on aura fait la France en diagonale. Canal, la mélodie, une comédie dramatique avec Cadmerade dans le rôle d'un prof de violon qui participe à une action dans un lycée de banlieue. Les élèves sont très dissipés, mais il aperçoit un jeune homme qui regarde de l'extérieur et là, il découvre que celui-ci est bourré de talent. Arte, un documentaire coup de poker sur l'essence, c'est un peu tendance hein, en ce moment de parler de l'essence. Enfin bref, on va tout savoir de ce monde mystérieux. M6, La France a un incroyable talent, ce sont les demi-finales de ce soir. La France a un incroyable talent, ça continue en seconde partie de soirée. Là, on découvre les images de cette même émission, mais à travers les versions étrangères. Le meilleur de la TNT, W9, minute par minute, ce jour où Johnny est mort, c'est un inédit. 22h35, des rediffs de l'héritage de Johnny Hallyday, que s'est-il vraiment passé? TMC 90 minutes, l'enquête, Noël, Nouvel An, pas de cadeau pour les pompiers de Paris et surtout en ce moment les pauvres. Voilà, c'est terminé, on se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Et maintenant, écoutez un titre que vous n'entendez jamais sur Espace. Jamais. Ça va vous surprendre. Mais Ludo est assez fou pour vous le diffuser. Oui, garçon, on est absolument d'accord. Mais il n'y a aucun problème. Sorti en 1997, et pour le coup, ça c'est clair, ça a été un énorme tube. J'étais animateur sur Fun Radio, et je peux vous dire qu'on l'a passé des milliers de fois pendant plusieurs mois, forcément, le Aqua Barbie Girl. Passez une très très belle soirée, je vous embrasse. Et pour ma part, je vous file rancard pour de nouvelles aventures de l'After School dès 17h demain. Ciao. Let's go party. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus sur Espace en Normandie, en Picardie. Nous sommes le mardi 4 décembre, il est tout juste 19h, les infos. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Christophe Castaner a été entendu par la commission des lois du Sénat cet après-midi à propos des heurts survenus en marge des manifestations des Gilets jaunes. J'invite les Gilets jaunes raisonnables à se désolidariser des extrêmes et à ne pas se rassembler à Paris samedi prochain, a plaidé le ministre de l'Intérieur face aux sénateurs. Il dit souhaiter lancer un appel au calme. Par ailleurs, le ministre a précisé que des forces supplémentaires seraient mobilisées samedi. Après une mobilisation qui a bloqué plus d'une centaine d'établissements hier, des lycéens ont décidé de poursuivre leur action aujourd'hui. Selon les chiffres de l'éducation nationale, plusieurs dizaines d'établissements ont été perturbés. Des incidents ont éclaté dans plusieurs lycées de l'Hexagone. Par ailleurs, deux sites d'universités parisiennes ont été gagnés par des blocages ou des menaces de blocage de la part d'étudiants opposés à l'augmentation des frais d'inscription à la fac pour les jeunes venus de pays extérieurs à l'Union européenne. Depuis aujourd'hui, l'ancienne présidente du syndicat de la magistrature comparaît pour injure publique à Paris dans l'affaire du mur des cons qui avait suscité un tollé en 2013. Révélée par le site Atlantico, elle avait relancé le débat sur l'indépendance des magistrats et ouvert la voie à une douzaine de plaintes. Sur les images, on pouvait voir un panneau dont le surnom a donné son nom à l'affaire et où étaient collés les portraits de dizaines de personnalités politiques, surtout de droite, mais aussi d'intellectuels, de magistrats et de journalistes, dont Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, Jacques Attali ou encore Nadine Morano et Christine Boutin. Il était poursuivi devant le tribunal correctionnel après la mort en janvier 2016 dans une avalanche de deux lycéens qui l'encadraient lors d'une sortie de ski en Isère. Un enseignant a été condamné aujourd'hui à Grenoble à 2 ans de prison, dont un avec sursis. Reconnu coupable d'homicide involontaire, il a également écopé d'une interdiction d'exercer son métier de professeur d'éducation physique et sportive pendant 3 ans et a versé des dommages et intérêts aux familles des victimes. Enfin, la NASA a filmé l'orbite d'un corps céleste de 490 mètres de diamètre et 3 milliards 4 millions de tonnes, capable de dégager en cas d'impact avec la Terre une énergie 3 fois plus importante que celle de toutes les bombes nucléaires déjà explosées dans l'histoire. Il aurait une chance sur 2700 de toucher la Terre le 21 septembre 2135. Sur la plus normande des radios, Dorian. Allez, comme d'hab, on se pose tranquillement, on ouvre ses oreilles et on se détend dans l'afterwork. Espace, plus de son, plus de tubes. On ouvre la 4e case du calendrier de l'Avent. Ça commence avec Sound of Legend, Zed Secarden. Belle soirée.

Espace, les meilleurs souvenirs. Faites gaffe à vous sur les routes comme d'hab, c'est important. Et puis laissez-nous vos messages au 0 950 35 50 50. Passez une belle soirée. Et dans l'After School et le Morning Light, on vous offre vos passes pour la fête foraine de la foire Saint-Nicolas d'Évreux. Et nous serons d'ailleurs sur place ce jeudi avec Espace pour l'animation en centre-ville. Donc soyez au rendez-vous. Pour l'instant, voici Daniel Balavoine, Sauver l'amour en mode souvenir. Effacé sur le Gange, la douleur, pouvoir parler à un ange en douceur, lui montrer la blessure étrange, la douleur d'un homme qui voudrait trouver en douceur au fond de lui un reste de lueur, l'espoir de voir enfin un jour. Lentement quitte les trans en douceur. Alors reviens dans sa conscience, ta douleur au fond de lui sans cette peur immense de voir mourir ce sentiment d'amour intense. Peu importe l'âge que l'on a, on est tous amoureux de ce titre-là. Et ça tombe bien, Sauver l'amour, Daniel Balavoine sur Espace en Normandie, en Picardie. Bonne soirée à vous. Du côté des Andelys ou encore de Gisors. Et vous avez rendez-vous ce samedi 8 décembre du côté de Dangu à la Maison du Village pour le marché de Noël. Et à Louviers, une vente de Noël dans la salle des colonnes organisée par l'asso Amour de nos quatre pattes. Allez, 19h30, voici l'actu locale et régionale avec la rédac. Espace. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. Depuis Matignon, le Premier ministre a annoncé ce midi la suspension pendant 6 mois de 3 mesures fiscales qui devaient entrer en vigueur au 1er janvier prochain. Il s'agit de la hausse de la taxe carbone, de la convergence de la fiscalité sur le diesel avec celle de l'essence et de l'alignement de la fiscalité du gazole non routier sur celle des particuliers. Ce moratoire sur la hausse des taxes du carburant était une revendication des Gilets jaunes. Réaction de Bruno Questel, député La République En Marche de l'Eure.